Et voilà, c'était Tina Turner sur RGM, un peu plus de 8h42, on parle anniversaire. Ils sont nés un 26 novembre 1939, naissance de Tina Turner, chanteuse américaine. 1945, naissance de Daniel Davis, acteur américain connu pour son rôle de Nils dans la série télé Une Nounou d'Enfer, apparu également dans les séries Ugly Betty, Blacklist ou encore Elementary. 1956, naissance de Don Lake, acteur canadien vu dans Terminator 2, Dumb and Dumber 2 dans le rôle du docteur Meldman, ou encore Zootopie dans le rôle de Stu Hobbs. 1961, naissance de Marcy Walker, actrice américaine, connue pour son rôle de Lisa Colby Chandler dans la série La Force du Destin et son rôle d'Eden Capuel Castillo dans la série Santa Barbara. 1965, naissance de Scott Adsit, acteur américain, connu pour son rôle de Pete Hamburger dans la série télé 30 Rock. 1966, naissance de Garcelle Beauvais, actrice haïtienne-américaine, vue dans White House Down dans le rôle d'Alison Sawyer, la première dame, Spider-Man Homecoming dans le rôle de Doris Toomes, la série télé New York Police Blues dans le rôle de Valérie Haywood, ou encore Franklin and Bash ou bien Chicago Med. 1973, naissance de Peter Facinelli, acteur américain, vu dans Le Roi Scorpion, la saga Twilight dans le rôle du docteur Carlyle Cullen, la série télé Fastlane dans le rôle de Donovan Van Ray, Supergirl où il est apparu dans 14 épisodes dans le rôle de Maxwell Lord et plus récemment dans la série SWAT dans le rôle de Michael Plunk. 1975, naissance de DJ Khaled, DJ et producteur américain. On va l'écouter en featuring avec Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne sur le titre I Am The One. At the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Voilà, c'était pour l'extrait donc de DJ Khaled. On continue, on va rester en chanson puisqu'en 1981, c'était la naissance de Natasha Bedingfield, chanteuse britannique qu'on a connue il y a quelques années avec son titre This World, dont on écoute tout de suite un extrait. These words are my own. Threw some chords together. The combination D-E-F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Trying to find the magic, trying to write a classic. Don't you know? Voilà pour l'extrait de Natasha Bedingfield, 1983, naissance de Chris Hughes, homme d'affaires américain, cofondateur de Facebook. 1988, naissance d'Arthur Vichot, cycliste sur route français, champion de France sur route en 2013 et 2016. 1990, naissance de Rita Ora, chanteuse, actrice britannico-albanaise, apparue dans Fast and Furious 6. Elle a incarné Mia Grey dans la trilogie 50 nuances de Grey, la sœur de Christian Grey. Et en 2019, elle est apparue dans le film film Pokémon Détective Pikachu dans le rôle du docteur Laurent. Et 1996, naissance de Louane Emra, chanteuse actrice française découverte dans l'émission The Voice. Depuis, elle fait son bonhomme de chemin tant dans la chanson que au cinéma. Elle a joué dans La Famille Bélier le rôle de Paula Bélier, récompensée d'ailleurs du César du meilleur espoir féminin, vu dans Nos Patriotes dans le rôle de Marie et plus récemment Les Affamés dans le rôle de Zoé. Tout de suite, on s'écoute Rita Ora avec Liam Payne sur le titre For You, qui fut d'ailleurs la bande originale de 50 nuances plus claires, le troisième volet de 50 nuances de gris. Been waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found ya. Hold my knife for love till I found ya. Skin to skin, breathe me in. Feel your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours. Liam Payne, le titre For You sur le 107 FM, un peu plus de 8h51, on peut même presque dire 8h52. Il est temps de parler météo. La météo. Alors, ce matin, il y a pas mal de nuages avec quelques gouttes de pluie, mais ça devrait s'améliorer au fil de la journée. On devrait avoir des éclaircies. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés cet après-midi. Mercredi, ce sera mitigé. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour demain après-midi. Jeudi, journée mitigée également. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et petite actualité sportive en ce mardi matin, on file aux États-Unis faire un point basket avec les résultats de la NBA. Ce n'était pas une nuit pour nos Français, puisque l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée face à Détroit, 103 à 88, 17 points pour le Français. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum s'est inclinée face à Miami, 117 à 100, 3 points, 2 rebonds et 4 assistances pour Nicolas Batum. Et enfin, l'Utah Jazz, privé de Rudy Gobert, blessé à la cheville, s'est incliné face à Milwaukee, 122 à 118. Un mot de football avec la Ligue des Champions, déplacement pour le Paris Saint-Germain ce soir au Real Madrid. À noter qu'un nul suffit à Paris pour s'assurer la première place. Dans les autres rencontres, à noter Juventus de Turin, Atlético Madrid ou encore Tottenham Olympiakos. Et un mot de biathlon, le début de la Coupe du Monde arrive à grands pas, c'est ce samedi. Et on connaît la composition des relais pour ces premiers relais de Coupe du Monde. Elle a été dévoilée hier. Le relais mixte sera composé de Célia Aymonier, Anaïs Bescon, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Et le relais mixte simple de Julia Simon et de Simon Détieu. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Louane et son titre « Si t'étais là ». Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Si on a peur que je tienne pas le coup, je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Louane. Johan, si t'étais là sur RGM. Il est presque 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais on fait un point sur les rendez-vous qui vous attendent aujourd'hui. À 9h30, ce sera durablement vôtre. À 16h, la rediffusion de Jukebox. 18h30, Kaizen. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'aimais, je vous le lis avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.